La mort survient souvent au moment où on l'attend le moins. Chacun de nous, quand viendra le moment du grand saut, espère que cela se passera en douceur, sans souffrance, sans angoisse, sans dormir paisiblement, et ne pas se réveiller, cela semble idéal. Mais il semble que quelques individus disparaissent d'une manière étrange. Bonne nuit, maman, dors bien. Je viendrai demain vers 4 heures. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à m'appeler. Mais de toute façon, tu as Madame Lacroix qui est là pour t'aider. C'est ainsi que le docteur Romanex prend congé de sa maman, Adélia Romanex, âgée de 84 ans. Adélia Romanex, depuis quelques mois, n'est plus capable de vivre seule. Elle perd un peu la tête, comme l'on dit, et il a fallu envisager une solution à ses problèmes. Le plus simple semble de lui louer une chambre avec salle de bain chez les Lacroix. Ainsi, elle bénéficie d'un environnement familial tout en gardant une certaine indépendance. Son fils, le docteur Romanex, est célibataire et trop souvent absent pour pouvoir veiller sur sa chère maman. La chère maman n'a d'ailleurs pas un caractère facile. Avec les années, elle se montre de plus en plus difficile à vivre. Elle s'exprime haut et fort. « Ah oui, cette madame Lacroix, parlons-en, hein, avec ses chats qui courent partout. M'intéresse moins que ces sales bestioles. Et cette manière de vouloir à tout prix m'appeler par mon prénom, Adélia par-ci, Adélia par-là. Et puis le matin, elle me sert toujours du café avec du lait froid. Ça me tape sur le foie. » « Mais non, maman. Tu as la fâcheuse manie de t'endormir en faisant tes mots croisés au lieu de prendre ton petit déjeuner. Bon, allez, il faut que je file, à demain. Et j'aimerais tellement que tu perdes l'habitude de fumer, surtout quand tu es déjà étendu sur ton lit. Ça peut être très dangereux. Ah, oh, j'ai commencé à fumer à 15 ans, et c'est le seul petit plaisir qui me reste. Ça et la télé. Alors, si tu permets, laisse-moi vivre comme je l'entends. Allez, bonsoir. » Adélia Romanex se concentre sur le programme de la télévision. Pour elle, la cause est entendue. Pascal Romanex hoche la tête d'un air de dire « Sacrée tête de mule. Enfin, c'est ma mère. Il faut la prendre comme elle est. » Adélia Romanex est étendue sur son lit, en chemise de nuit, sous sa robe de chambre en laine des Pyrénées. Elle a les pieds nus dans des babouches roses et bleues que son fils lui a rapportées d'un voyage en Italie. À côté d'elle, sur le couvre-pied, son programme télé, le zapper de la télévision, son paquet de cigarettes blondes, son briquet et son cendrier. Pascal Romanex se penche pour l'embrasser, sans qu'elle daigne lui jeter un regard. En fait, le docteur Romanex embrasse sa mère pour la dernière fois. Le lendemain matin, le soleil brille et Madame Lacroix s'approche de la chambre de Madame Romanex. Elle porte un plateau de bois recouvert d'un joli napperon. Sur le plateau, un grand bol de café au lait, des petits pains au lait, une petite jatte de confiture, un petit pot de porcelaine avec un supplément de lait, quelques morceaux de sucre dans un sucrier de verre et un petit vase soliflore avec une jolie rose. Madame Lacroix soupire. Espérons qu'elle sera de bonne humeur ce matin. Il va encore y avoir quelque chose qui va lui déplaire. Ah, c'est pas facile à contenter, cette pauvre Adélia. Tout en tenant le plateau en équilibre, Rosette Lacroix frappe d'un doigt léger sur la porte de la chambre. « Adélia, c'est l'heure du petit déjeuner. » Aucune réponse ne vient de la chambre. Rosette Lacroix insiste. « Adélia, vous êtes réveillée. C'est moi, Rosette, vous m'entendez? C'est l'heure. » Toujours aucune réponse. Rosette Lacroix coince le plateau au-dessus de la serrure de la porte. Elle ressent une impression de forte chaleur en touchant le panneau de bois. Bizarre. Rosette pose la main sur la poignée de cuivre de la porte. Une brûlure lui fait lâcher tout le petit déjeuner. Et voilà le bol, le café au lait, la rose par terre, au milieu des débris de verre et de porcelaine. Rosette a poussé un cri de douleur. La poignée de cuivre semble chauffer à blanc. Déjà, la paume de la main de la malheureuse Madame Lacroix enfle. C'est une brûlure au deuxième degré. Rosette reste muette d'étonnement. Elle appelle. « Adélia ! Madame Romanex, vous m'entendez ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ?» Rosette enveloppe sa main brûlée dans le napperon qui recouvrait le plateau. À travers le tissu, elle ressent la chaleur de la poignée métallique. Mais la porte refuse de s'ouvrir. Et toujours cette chaleur intense dans le panneau de bois. Même le mur est chaud. comme si la chambre était un four. Rosette Lacroix court dans le couloir, se précipite vers des ouvriers qui creusent une tranchée dans la rue, juste devant son pavillon. Au secours, venez vite! Il y a eu le feu dans la maison! J'ai peur! Il y a une dame âgée qui est enfermée là! Les ouvriers lâchent leurs outils et suivent Rosette. L'un d'eux dit « Appelez les pompiers, c'est eux que ça regarde !» Mais Rosette veut savoir, elle accompagne les ouvriers jusqu'à la chambre d'Adélia Romanex. Deux solides maghrébins enfoncent la porte d'un coup d'épaule. Et puis, ils restent figés sur place devant le spectacle de la chambre d'Adélia Romanex. Enfin, de ce qui reste de la chambre d'Adélia Romanex. « Ben madame, qu'est-ce qui a pu se passer là-dedans ?» Rosette Lacroix est incapable de donner une explication. Pourtant, il lui vient une idée. Quelle horreur! Elle a dû s'endormir avec une cigarette allumée. Ah, ce n'est pas faute de lui dire. Même son fils qui est médecin n'arrête pas de lui dire de ne pas fumer au lit. Même pour quelqu'un qui ignore tout des lois du feu, la scène est étrange. La fenêtre de la chambre est grande ouverte. Rosette dit, mais comment est-ce possible? Il n'y a eu aucune fumée à l'extérieur. Personne n'a vu de flamme. Les voisins m'auraient averti, à moins que la fenêtre ne soit ouverte qu'à la fin sous l'effet de la chaleur. Quand les pompiers arrivent, ils constatent bien sûr qu'il est trop tard pour faire quoi que ce soit pour la pauvre Adélia. Elle est morte et même morte carbonisée. Mais enfin, madame, qu'est-ce qu'il y avait comme chauffage dans cette chambre ? Rosette Lacroix répond au capitaine des pompiers. Un chauffage normal, tenez, regardez vous-même, un radiateur branché sur la chaudière à fioul de la maison, il est intact. Pas la moindre trace de brûlure. À mon avis, cette pauvre madame Romanex a dû mettre le feu à sa robe de chambre en fumant. C'était son vice. Impossible d'en arriver là. Il s'est passé quelque chose d'anormal. Quelle était la taille de la victime ? Oh, c'était une femme encore assez forte. Elle devait mesurer dans les 1m78 et peser bien 80 kilos. Eh bien, vous voyez ce qu'il en reste? 5 ou 6 kilos de cendre au maximum? Savez-vous le nombre de degrés nécessaires pour réduire quelqu'un à si peu de choses? Au moins 2000 degrés? Voyez-vous chez vous quelque chose qui puisse développer cette énergie? Rosette Lacroix ne voit pas. Pas plus que la police d'ailleurs. Une fois qu'elle arrive sur les lieux, l'inspecteur Hardisson qui prend l'enquête en main reste perplexe. Pensez-vous que la victime ait pu avoir des ennemis? Pensez-vous que quelqu'un ait pu s'introduire dans sa chambre pour la faire brûler vive? Brûler vive, c'est affreux! Mais elle aurait dû crier, appeler à l'aide! Comme on dit, elle était du genre forte en gueule, et je doute qu'elle se soit laissée faire sans appeler à l'aide! Le capitaine des pompiers fait remarquer que la défunte Adélia Romanex, ou du moins ce qu'il en reste, et dans la position classique d'une personne qui se relaxe devant la télévision. Aucune trace de lutte, ni même d'émotion. Enfin, qu'est-ce qui a bien pu la consumer si complètement? L'aurait-on arrosé d'essence? Si on l'avait arrosé d'essence, vous n'auriez pas pu dormir sur vos deux oreilles jusqu'à ce matin. Toute la maison aurait flambé en quelques minutes. Regardez la télévision, elle est encore branchée. Et le zapper, là, il est intact sur le lit. Mais la pendule, elle s'est arrêtée nette sur 1h30. Le matelas a brûlé, mais uniquement sous le corps. Ce qui reste du corps. C'est-à-dire bien peu de choses. Un crâne réduit comme celui d'un chivaro, le pied droit, quelques vertèbres. Tout le reste est réduit en cendres. Le capitaine des pompiers fait remarquer que les murs de la chambre sont encore chauds. Comme c'est étrange. Les murs sont noirs de suie, mais seulement à partir d'un mètre du sol. Pourtant, la chaleur a fendu en trois le grand miroir de l'armoire à glace, qui est à 4 mètres du lit. Cependant, le brasier ne semble pas s'être étendu au-delà d'1m50 autour du lit, sauf les descentes de lit, qui sont intactes. Ah, pas tout à fait, regardez, il y a une trace de brûlure d'1 cm. Rosette Lacroix affirme, cette brûlure n'était pas là hier. Je surveillais Adélia de trop près et j'aurais saisi la moindre brûlure de cigarette pour lui interdire de fumer. Après les pompiers et la police, ce sont les assurances qui reprennent l'enquête à zéro. Impossible de trouver la moindre explication rationnelle à cette mort. Tout ce qu'on peut affirmer, c'est qu'Adélia semble s'être consumée de l'intérieur si soudainement qu'elle n'a pas pu réagir. On ne peut même pas dire qu'elle a souffert. Adélia Romanek semble s'être mise à dégager une chaleur de plusieurs milliers de degrés. On évoque alors d'autres cas de combustion spontanée enregistrés et analysés dans différents pays du monde, notamment aux États-Unis, en Angleterre. Les premiers cas recensés remontent à la première moitié du XIXe siècle. Mais certains ont aussi été constatés en Inde. Parfois, la victime a été entièrement brûlée sans que ses vêtements aient été roussis. Une autre a brûlé sur la table de sa cuisine, une autre s'enflamme sous les yeux de sa sœur épouvantée par le phénomène. Peut-être un jour trouvera-t-on le commun dénominateur entre ces morts étranges. Peut-être découvrira-t-on une raison physique qui fait que des êtres, la plupart du temps des femmes d'un certain âge, s'enflamment spontanément et se carbonisent instantanément sous l'effet d'une chaleur insoutenable qui épargne pourtant les objets les plus combustibles qui se trouvent à proximité. Mais jusqu'à présent, le mystère reste entier.